ça fait 600 000 raisons de se faire chier. Dans ma télé affligeante, y'a plein de gens beaucoup plus doués que moi, des milliers de jeunes qui déjantent et qui disent comme moi, I would like sometimes, I would like to be a fantastic singer, la la la. I would like sometimes, I would like to be a fantastic singer. Faut que j'apprenne à trembler de la voix, faudrait aussi que j'arrête la vodka et les cigarettes. Un petit tour au conservatoire, une sale histoire, pour être une star complète, pouvoir pleurer à la demande et sodomiser mon ego. Arrêtez de dire bitch à de couilles et je bande, ça fait désordre sur un plateau. I would like sometimes, I would like to be a fantastic singer, la la la.